Les archives livrent peu à peu leurs secrets. À l'Est, par exemple, la fin de l'URSS a permis que s'entr'ouvrent quelque temps les fichiers du KGB. Mais les vieilles habitudes ont vite repris le dessus et les patrons des nouveaux services secrets ont refermé le couvercle au nom de la continuité, sans doute. À l'Ouest, il faut bien le reconnaître, cet effort de transparence est plus méritoire. Sous les coups de boutoir de l'opinion et des chercheurs, la CIA en particulier a déclassifié avec l'autorisation du gouvernement américain de nombreuses archives. Des archives plutôt embarrassantes qui jettent une lumière crue sur les activités et les méthodes de l'agence au cours du demi-siècle passé. Ainsi, en 1997, un journal, le Baltimore Sun, se procure un petit livre très secret au titre anodin, Manuel de formation pour l'exploitation des ressources humaines. En fait, il s'agit d'un véritable vademécum à l'usage des tortionnaires, un manuel de la torture écrit en 1983 par des spécialistes de la CIA et destiné essentiellement aux services de renseignement des pays de l'Amérique centrale tels le Honduras ou le Guatemala. Le Guatemala, nous allons y revenir longuement avec M. X, car, dit-il, les États-Unis y ont inauguré une méthode d'intervention destinée à faire école. Mais avant d'écouter mon interlocuteur, je ne peux m'empêcher de vous donner quelques extraits de ce manuel de la torture, extrait publié par le Nouvel Observateur en 1999. Et il y a d'abord ce préambule, monument de cynisme. Nous ne prônons pas l'utilisation de techniques coercitives, mais nous tenons à vous les faire connaître et à vous indiquer les manières efficaces de les pratiquer. Ainsi, les spécialistes de la CIA, sans doute nantis d'une longue expérience, écrivent que la douleur que l'on inflige à un sujet peut accroître sa volonté de résister. En revanche, la douleur qu'il pense s'infliger lui-même a plus de chances de saper ses résistances. Ils préconisent donc d'obliger les suspects à garder une position immobile debout, par exemple, pendant plusieurs heures. Et si cela ne suffit pas, ils font en revenir aux bonnes vieilles méthodes pour affaiblir le sujet. La chaleur extrême, le froid glacial, le manque de nourriture ou de sommeil. Enfin, la terreur est conseillée. Il s'agit de menacer de massacrer la famille du suspect, de violer ses sœurs, etc. Et attention, un bon bourreau se doit d'utiliser la terreur avec modération. Car si une forte peur peut faire craquer le sujet, une panique prolongée peut plonger celui-ci dans une apathie défensive dont il sera difficile de le sortir. Ces professeurs de torture ont suscité à coup sûr de nombreuses vocations en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Mais le plus étonnant n'est-il pas que l'agence américaine ait osé rendre public un document aussi accablant? Vous connaissez la fameuse doctrine de Monroe? Oui, pour ce président des États-Unis du 19e siècle, il s'agissait d'interdire aux Européens toute intervention en Amérique. C'est ça, l'Amérique aux Américains. Ouais. C'est-à-dire en réalité l'Amérique sous domination des États-Unis. C'est plus clair comme ça. Et la doctrine est encore aujourd'hui d'actualité. Washington veille avec jalousie sur ses intérêts dans le continent américain tout entier et ne supporte pas de voir son influence menacée dans ce précaré. Pendant longtemps, d'ailleurs, il lui suffisait d'envoyer des marines pour régler le problème. Ouais, c'était une autre version de la politique de la canonnière. C'est juste, mais après la Deuxième Guerre mondiale, une guerre menée au nom de principes moraux, il est difficile aux Américains de continuer à agir militairement quand un pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud fait un écart. Oui, c'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens d'intervention plus discrets. Voilà. Encore que la politique américaine vis-à-vis de Cuba, par exemple, n'est pas été un modèle de discrétion. En effet. Mmh. Et la désastreuse affaire de la baie des cochons, entièrement initiée et contrôlée par les États-Unis, en est une parfaite illustration. Mmh. Nous en avons déjà longuement parlé. Mmh. Ouais, il y aura aussi le Chili, et puis l'aide apportée à Pinochet. Hein. Justement, du strict point de vue de l'efficacité, le renversement du président Allende a été mené avec beaucoup plus de subtilité. Et même si nous avons toujours su que la CIA était complètement impliquée dans ce coup d'État au Chili, Il a fallu attendre la fin des années 90 pour que des documents officiels attestent de la réalité de l'intervention américaine. Oui, c'est on parlait de l'ouverture des archives de la CIA. Là. De certaines archives. Oui. Car des milliers de documents n'ont toujours pas été déclassifiés. Enfin, pouvons-nous le reprocher aux Américains, nous qui sommes si pusillanimes, dès qu'il s'agit de faire la lumière sur nos sales petites affaires? Vous voulez dire qu'en France, il existe une véritable culture du secret? Bien entendu. Certaines archives devront attendre 100 ans avant d'être accessibles. Alors, imaginez... Ouais. D'accord, bon. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même du Guatemala dont vous voulez parler. Oui, car là-bas, en 1954, la CIA a réussi une sorte de sans-faute, en apparence, tout au moins, car les conséquences de cette affaire seront terribles. Il s'en suivra plus tard une véritable guerre civile qui fera des dizaines et des dizaines de milliers de morts, et où l'on assistera aux pires scènes d'horreur. Mais je voudrais tout de même ajouter autre chose qui n'est pas inintéressant. Je vous écoute, là. Au Guatemala, comme au Chili plus tard, et aussi dans la conception de l'opération de la baie des cochons à Cuba, on trouve le même homme. Le même homme, c'est qui ça? Richard Nixon. En 1954, il est le vice-président de Dwight Eisenhower, et en 1973, il est devenu le président. Et c'est lui, je vous l'ai dit, qui a donné l'ordre de faire tomber Allende, comme il sera également l'un des principaux responsables de l'opération AIC. Oui, l'opération visant à renverser le président Sukarno en Indonésie à la fin des années 50. Exactement. Ça, ouais. Vous insinuez donc que Nixon était une sorte de spécialiste des coups de force clandestins hors des frontières des États-Unis. Exactement, un spécialiste et un partisan convaincu de l'utilisation de ces méthodes. Bon. Alors, venons-en au Guatemala. Que s'y passe-t-il au début des années 50? Une parenthèse d'abord, si vous me permettez. Ce petit pays volcanique peuplé en majorité d'Indiens, descendants des anciens Mayas, est des plus beaux qui soient au monde. Parce que vous y êtes allé? Oui, mais j'ai été conquis. Mais je referme la parenthèse. En 1944, le pays sort d'une longue période de dictature et un président, Juan José Arévalo, est démocratiquement élu. Malgré la vingtaine de coups d'État auxquels il doit faire face, pendant son mandat, cet idéaliste met en place d'indispensables réformes. 20 coups d'État. Enfin, et quelles réformes, là? Il instaure un code du travail dans un pays qui n'en a jamais connu. Et il esquisse les grandes lignes d'une réforme agraire. Puis en 1951, il laisse sa place au colonel Arbenz, lui aussi régulièrement élu. C'est-à-dire une vraie transition démocratique. Tout à fait. Et Arbenz poursuit l'œuvre d'Arévalo? Oui, et le nouveau président est bien décidé à faire aboutir la réforme agraire dans un pays qui est encore féodal. Une poignée de familles possède la plus grande partie des terres. Mais surtout, il y a la Frutera, c'est ainsi qu'on la nomme là-bas. C'est la United Fruit Company, une pieuvre américaine qui est toute puissante au Guatemala. Oui, c'est une sorte d'état dans l'état. C'est ça. Cette compagnie bananière, la Frutera, possède au Guatemala non seulement des milliers d'hectares de plantations, mais elle contrôle les communications téléphoniques, les ports du pays, les chemins de fer, les routes, et se trouve à la tête d'une flotte de plus de 50 navires. Et j'imagine que cette puissance économique voit d'un très mauvais œil la réforme agraire envisagée par le président Arbenz. Évidemment. Mais est-ce que les propriétés de la United Fruit sont vraiment menacées par la réforme agraire? Pas réellement. Ce sont d'abord des terres non cultivées qui sont attribuées aux paysans pauvres. Et certaines de ces terres appartiennent aux Américains? Oui, mais la Frutera, comme les autres grands propriétaires terriens, est correctement indemnisée pour la réquisition de ces terres non exploitées. Donc il ne s'agit pas d'une collectivisation? En aucun cas. Mais les initiatives du colonel Arbenz, même timides, font peur. D'autant que les dirigeants guatémaltèques ébauchent aussi la création d'une sécurité sociale. Et ils se mettent en devoir d'éduquer les paysans indiens illettrés, c'est-à-dire la grande majorité de la population. Et cela, ça fait encore plus peur. L'éducation, c'est ça. Et parce que ça peut donner des idées à ces paysans employés dans les grandes exploitations. Des idées révolutionnaires. Revendicatives, en tout cas. Et cela, les dirigeants de la Frutera n'en veulent à aucun prix. L'illettrisme était une sorte de garantie de tranquillité, vous comprenez? C'est vrai que l'éducation, ça peut conduire à tous les dangers. Forcément. Donc, la Frutera, qui n'a pas seulement des intérêts au Guatemala, mais dans toute la région, et qui dispose de relais très efficaces à Washington, actionne le signal d'alarme. C'est-à-dire? Eh bien, les dirigeants de la United Fruit vont essayer de convaincre les autorités américaines que le gouvernement guatémaltèque est en train de devenir communiste. Et en cette période de guerre froide et de chasse aux sorcières, c'est une accusation qui fait mouche. Ouais, c'est l'époque du McCarthyisme, il faut le rappeler. Oui, il faut préciser que cette action de lobbying n'a pas dû être difficile. Foster Dulles, le secrétaire d'État des Eisenhower, avait été, avant la guerre, l'un des avocats de cette puissante compagnie. Ça crée effectivement des liens. Comme vous le dites. Mais est-ce qu'à la suite de cette action de lobbying, on décide tout de suite de débarquer le président Arbenz? Non, pas tout de suite. Ces choses-là se préparent. Et le plan qui va être établi par les Américains... La CIA, vous voulez dire? La CIA, bien sûr. La CIA qui va agir en parfaite harmonie avec la Maison Blanche. Donc le plan va comporter deux volets. Le premier consiste à susciter une opposition armée au président Arbenz et à préparer une intervention militaire à partir de l'étranger. Ouais. Mais la deuxième, la plus subtile, doit aboutir à persuader l'opinion, et principalement les opinions américaines et guatémaltèques, que le gouvernement du colonel Arbenz est réellement dominé par les communistes. C'est ce qu'on appelle une manœuvre de désinformation. Oui, et de ce point de vue, les types de la CIA ont fait très fort. Je ne veux pas déflorer la suite du récit de M. X, mais ici, il me paraît judicieux de citer un extrait d'un discours du secrétaire d'État Foster Dulles, discours prononcé à Washington le 1er juillet 1954, c'est-à-dire après le renversement du colonel Arbenz. Je lis. Depuis plusieurs années, le communisme international cherche ici et là un endroit où il puisse prendre pied sur le continent américain. Il a en fin de compte fixé son choix sur le Guatemala pour tenter d'en faire une base officielle à partir de laquelle il puisse alimenter une subversion qui s'étendrait ensuite aux autres républiques américaines. Cette intrusion du despotisme soviétique a constitué, bien entendu, une atteinte directe à notre doctrine de Monroe, qui est le principe primordial et fondamental de notre politique étrangère. Guatemala. Le communisme international a remporté un succès initial. L'origine, on remonte à 10 ans lorsqu'une révolution éclata dans le pays. Cette révolution n'était pas injustifiée, mais les communistes y virent non pas un moyen d'opérer de véritables réformes, mais une occasion de s'emparer du pouvoir politique. Les agitateurs communistes cherchèrent à s'infiltrer dans les organismes publics et privés du Guatemala. Ils envoyèrent en Russie et dans d'autres pays communistes des recrues qui y reçurent une formation et un entraînement révolutionnaire. Sous prétexte de réforme, ils enrégimentèrent les ouvriers et les paysans sous un commandement communiste. Ayant obtenu le contrôle de ce qu'ils appellent les organisations de masse, ils manœuvrèrent pour mettre la main sur la presse officielle et sur la radiodiffusion d'État. Ils prirent la direction des services de la sécurité sociale et administrèrent le programme de réforme agraire par la technique du Front populaire. Ils soumirent à leur domination le Congrès et le Président. Je veux bien vous croire lorsque vous parlez de désinformation, mais est-ce qu'il y avait quand même un fond de vérité sous ces accusations de subversion communiste? Écoutez, c'est vrai que dans ces années-là, il a sans doute soufflé sur le Guatemala un vent révolutionnaire. Je dirais plutôt de romantisme révolutionnaire. Ouais, c'est-à-dire que c'était pas très sérieux. Je ne dis pas ça, mais la population, ça peut se comprendre, était enthousiasmée par la promulgation de cette réforme agraire tant attendue. Et aussi par les justes réformes sociales promises par le gouvernement du colonel Arbenz. Alors disons que ça a donné lieu à des manifestations très colorées où on n'a pas hésité à vituperer l'impérialisme des gringos. Mais pouvait-il en être autrement? Ouais. Enfin, pour vous, il n'existait pas réellement de menace de prise du pouvoir par les communistes? Bien sûr que non. Et d'abord pour la simple raison que le parti communiste qui avait été longtemps interdit était très minoritaire dans ce pays. Enfin, on a vu des pays où il était minoritaire, où il a quand même réussi à s'emparer du pouvoir. Hein. C'est juste. Enfin, c'était pas le cas au Guatemala où ses effectifs étaient vraiment infimes. Et puis en face, je veux dire, du côté des conservateurs et de l'armée, il y avait de gros bataillons et une presse d'opposition particulièrement virulente. Et Arbenz lui-même, alors? Arbenz, oh, ce n'est pas vraiment une tête politique. C'est un officier plutôt ambitieux et qui a des idées généreuses. Mais il n'est certes pas communiste. Alors, plus rose que rouge, non? Toutefois, dans son entourage, il y a des gens qui sont plus à gauche et qui l'influenceront, c'est certain. Mais pas au point de vouloir faire du Guatemala une nouvelle démocratie populaire. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Quoi? Washington. Ouais. Tous ces dirigeants guatémaltèques, même les plus naïfs ou les plus radicaux, savent que les États-Unis veillent et ne permettront jamais l'instauration d'un régime communiste si près de chez eux. Ouais, c'est-à-dire qu'ils vivent sous l'œil de Washington. Exactement. Mmh. Peut-être sur ordre de Moscou, les membres les plus en vue du Parti communiste ont bien pris soin de ne pas embarrasser Arbenz par des prises de position ou des déclarations jusqu'au boutiste. Mmh. Et pourtant, enfin, mais je vous dis, hein, les Américains sont persuadés que le Guatemala va basculer dans le camp communiste. Ça n'est pas tout à fait ce que je vous ai dit. C'est la CIA qui va faire en sorte de persuader les Américains que le communisme est à leur porte. La CIA qui est donc chargée de défendre les intérêts des grandes compagnies américaines. Et d'abord, naturellement, ceux de la Frutera. La United Fruit et Allen Dulles, l'autre Dulles, le frère de Foster, qui est alors le patron de la CIA, obtient 20 millions de dollars du gouvernement américain pour renverser Arbenz. Ouais. C'est-à-dire, à la fois pour préparer cette manœuvre de propagande et l'opération militaire proprement dite. C'est cela. Et la Frutera, elle a payé elle aussi? Bien évidemment. Au Guatemala même, tout commence par la nomination d'un ambassadeur américain de choc. Qui? John Purifoy, un sudiste qui a été en poste en Grèce, où il a déjà contribué à lutter contre les communistes pendant la guerre civile, qui a éclaté à la fin du deuxième conflit mondial. Ah, il a donc de l'expérience. Incontestablement. Ouais. Et sa mission? Coordonner à l'intérieur du pays l'opposition au président Arbenz et alimenter Washington en rapport alarmiste sur la communisation progressive du Guatemala. Washington qui n'avait pourtant pas vraiment besoin d'être persuadé. C'est juste. Et il y a aussi l'opinion internationale. Et les Américains ne se font pas faute de distribuer les dépêches de Purifoy aux chancelleries occidentales. Afin de justifier par avance leurs initiatives pour déposer Arbenz. Oui. L'ambassadeur contribue ainsi aux manœuvres de désinformation de la CIA. Et il est à noter que pendant longtemps, il suffit pour vous en persuader de lire les livres publiés à ce sujet jusque dans les années 60. Ça ferait, oui. De gens sincères croiront vraiment que le Guatemala allait devenir un pays communiste. Donc sur ce plan-là, enfin, cyniquement, hein, c'est un vrai succès donc. Croyez pas si bien dire. Le nom de code de la CIA pour cette opération sera justement Success. Les Américains étaient donc sûrs de leur coup. Hein. À peu près, oui. Mais et, sur le plan militaire? Eisenhower, qui patronne l'opération avec son vice-président Nixon, ne veut pas entendre parler d'une intervention directe des forces armées américaines. Je vous ai expliqué pourquoi. Par conséquent, il faut trouver des subterfuges. Des faux-nés. Oui. Et la CIA va inventer une méthode qui fera florès ailleurs, en Indonésie, à Cuba ou au Chili. Avec du succès divers. C'est vrai. Et alors cette méthode Eh bien, elle consiste à recruter des opposants exilés, à les organiser, à les entraîner, enfin à les armer. Et au besoin, plus tard, au moment où ils seront engagés sur le terrain, à leur fournir une couverture aérienne. Oui, avec des avions camouflés. Naturellement. Et les pilotes, pourvus de faux papiers au cas où ils sont abattus, seront en majorité américains. C'est quand même risqué, hein. On pourra toujours prétendre qu'il s'agit de mercenaires. En tout cas, la première phase consiste à trouver un Guatémaltèque exilé qui puisse regrouper autour de lui l'opposition. C'est-à-dire un dirigeant crédible. Oui. Et plutôt un militaire. Ça me semble évident. Il trouve? L'homme s'appelle Carlos Castillo Armas. Et qui c'est celui-là? Un colonel, un officier de carrière qui a tenté un putsch en 1950. C'est un récidiviste. Oui. Après son échec, Castillo Armas a été emprisonné. Mais il a réussi un petit exploit en creusant un tunnel dans sa prison et en s'évadant. Depuis, il s'est réfugié au Honduras. Il jouit donc d'une certaine notoriété? Une petite notoriété, oui. Et lorsque les agents de la CIA prennent contact avec lui, Castillo Armas n'hésite pas longtemps. Oui, il sera le chef de la reconquête. Alors j'imagine qu'on va l'aider à constituer une petite armée. Quelques centaines d'hommes. Oh, c'est pas beaucoup, ça. Oui, mais enfin, l'armée légale guatémaltèque qui fera face à ces mutins, les gens de la CIA le savent, n'est guère organisée et motivée, et la plupart des officiers supérieurs répugneront à mener une guerre civile. En outre, et je vais y venir, il y aura la contre-propagande orchestrée au Guatemala même par l'ambassadeur américain. Et alors, quand cette petite armée va-t-elle franchir la frontière? D'abord, il faut l'armer. C'est ce que fait la CIA le plus discrètement possible, en faisant passer les armes par le Nicaragua, où le dictateur Somoza n'a rien à refuser aux Américains. C'est d'ailleurs aussi du Nicaragua que certains des avions destinés à aider les mutins décolleront. Enfin, je voudrais répondre à votre question pour justifier l'intervention. Il faut un prétexte. La menace communiste, avez-vous dit? Ah, mais ça ne suffit pas. Aussi, la CIA va-t-elle faire tomber le président Arbenz dans un piège imparable? La Frutera, comme on dit en Amérique centrale, c'est-à-dire la United Fruits, a donc joué un rôle considérable dans cette affaire. Miguel Idigoras Fuentes, un homme politique guatémaltèque, par ailleurs très anticommuniste, et qui deviendra plus tard président du Guatemala, est contacté au début de 1954, 6 mois donc avant la chute du colonel Arbenz. Il le racontera lui-même dans un livre publié en 1963, « Ma guerre avec le communisme », je le cite. Un ancien directeur de la United Fruit Company, à présent à la retraite, M. Walter Turnbull, vint me voir avec 2 messieurs qu'il me présenta comme étant agents de la CIA. Ils me dirent que j'étais un personnage populaire au Guatemala et qu'ils désiraient me prêter assistance pour renverser Arbenz. Je leur demandais à quelles conditions ils m'aideraient. Ils me les indiquèrent et je les trouvais inacceptables. Entre autres choses, je devais promettre de favoriser la United Fruit Company et les chemins de fer internationaux de l'Amérique centrale, démolir le syndicat des travailleurs du rail, formèrent un gouvernement autoritaire du style Ubico, il s'agit du dictateur chassé en 44, on m'imposait en outre le remboursement de chaque cent investi dans l'entreprise. Fuentes, malgré son anticommunisme, refuse donc ces propositions. Mais la CIA ne renoncera pas pour autant et trouvera un autre homme, nous l'avons vu, ce sera le colonel Castillo Armas. Alors ce piège destiné au président Arbenz? La manœuvre de désinformation, principalement dirigée par l'ambassadeur américain Burry Foy, consiste à faire croire que le Guatemala bascule peu à peu dans le communisme. Mais il y a un autre volet plus subtil. Expliquez-moi ça. Les Américains vont faire croire progressivement aux dirigeants guatémaltèques qu'ils vont intervenir militairement. Au Guatemala? Oui. Dans quel but? À faire en sorte qu'ils achètent des armes pour répliquer à une éventuelle intervention américaine. Je comprends pas. Quel était l'intérêt des Américains? Puisqu'ils soutenaient au contraire les opposants guatémaltèques. Pousser le gouvernement à acheter des armes, c'était renforcer des forces hostiles à leurs partisans, non? Peut-être, mais je vous ai dit ce que je pensais de l'armée guatémaltèque. Un peu plus ou un peu moins d'armes n'aurait rien changé. Par contre, cet achat d'armes était très intéressant. Ça, je comprends toujours pas. Hein. Je vous explique. Où le gouvernement guatémaltèque peut-il acheter des armes pour se défendre? Pas aux États-Unis, bien sûr. Pas non plus dans un autre pays occidental où les dirigeants ont été dûment informés par les Américains que le président Arbenz était communiste. Ouais, je vois ce que vous voulez. Il ne reste donc plus que le camp de l'Est, c'est voilà. Ça. Ouais. Et si les États-Unis sont en mesure de prouver que les Guatémaltèques achètent effectivement des armes à l'Est, non seulement ce sera une nouvelle preuve des sympathies du régime pour le communisme, mais ça justifiera le renversement du président Arbenz, avec le soutien éventuel des pays voisins inquiets de voir le Guatemala s'armer aussi puissamment. Et cette manœuvre-là, bizarre, quand même. Enfin, cette manœuvre va réussir? Tout à fait. Arbenz tombe dans le piège. Il commande pour plus de 2000 tonnes d'armes à la Tchécoslovaquie. Les Américains sont immédiatement informés? Bien entendu. Ils ont suffisamment d'espions au Guatemala. Je veux même vous dire qu'ils surveillent l'opération de bout en bout. Bon, de quelle façon? La CIA dispose d'un agent en Pologne. C'est un homme d'affaires allemand installé à Stettin, un port situé sur l'Oder. Donc un homme qui doit commercer avec les communistes polonais. Oui, et ses affaires lui permettent d'observer attentivement les activités du port. Ainsi qu'au début du printemps 1954, il note qu'on transborde des milliers de caisses d'un train en provenance de Tchécoslovaquie sur un cargo suédois. Et lui, il sait que ces caisses contiennent du matériel d'armement? Il s'en doute, même si officiellement il s'agit de matériel d'optique destiné à être débarqué à Dakar. Il s'en doute parce que sa centrale l'a mis en alerte. Évidemment. Donc il transmet aussitôt le précieux renseignement à la CIA via un de ses contacts commerciaux à Paris. À Paris, même. C'est pour ça que vous êtes si bien informé, alors? Non, non. À l'époque, nous n'avons rien su de toute cette affaire. Voilà bien modeste tout à coup. Alors, c'est un peu trop facile. C'est vrai. Alors, poursuivez. Le cargo suédois prend la mer, et même si en 1954 les moyens de surveillance n'étaient pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui, les Américains se débrouillent pour observer la route du navire. Et à mon avis, ils avaient dû infiltrer un homme à eux chez l'armateur à Stockholm. C'est ainsi qu'ils découvrent que ce cargo suit une route bien étrange. Quelle route alors? Il se dirige effectivement vers le Sénégal. Mais alors qu'il se trouve à 2 jours de mer de Dakar, il bifurque soudain. Direction? L'Amérique centrale. C'est-à-dire le Guatemala? Non, le Honduras. Mais c'est bien évidemment une destination fictive. Car dès qu'il est en vue du Honduras, le cargo change une nouvelle fois de route et met le cap sur Puerto Barrios, un port guatémaltèque situé dans le golfe du Honduras. Mais pourquoi ce parcours compliqué? Par peur d'une interception possible? Je le pense, oui. À raisonner, ce cargo était certainement très tentant pour les États-Unis. Mais cela pouvait provoquer des incidents diplomatiques embarrassants. Et au fond, pour les Américains, il était politiquement encore plus intéressant de laisser débarquer les armes au Guatemala. C'est-à-dire de respecter l'objectif initial. Oui, enfin, vous allez le voir, les Américains vont très vite exploiter cette considérable livraison d'armes. Alors comment vont-ils procéder justement? Pas très vite. Dès le mois de mai, le secrétaire d'État Foster Dulles accuse le Guatemala de vouloir se doter de la plus forte armée d'Amérique centrale et de consacrer à l'achat d'armes une somme disproportionnée par rapport à son modeste budget. Ce qui n'était peut-être pas tout à fait faux. Vous avez raison, mais ce sont les conséquences qui sont intéressantes. Tout de suite après la déclaration américaine, les ambassadeurs du Nicaragua et du Honduras au Guatemala sont rappelés par leurs gouvernements respectifs. En outre, bien sûr, Foster Dulles met en cause l'URSS, coupable, selon Washington, de vouloir prendre pied sur le continent américain. Ça, c'est de bonne guerre, si je puis dire. Après ce coup d'éclat, il ne se trouve presque plus personne à Washington pour protester contre une aide ponctuelle aux forces du colonel Castillo Armas. Quant aux pays voisins du Guatemala, devant les menaces qui, selon les Américains, pèsent sur eux, ils sont plus que jamais favorables aux rebelles guatémaltèques. Alors, c'est le moment où les opérations militaires peuvent vraiment commencer? Oui, la petite troupe du colonel Castillo Armas franchit la frontière à la mi-juin. Au même moment, l'aviation rebelle opère quelques bombardements sur les ports. Est-ce que l'armée guatémaltèque dispose aussi d'une aviation? Oui, quelques coucous de la Seconde Guerre mondiale. Trois ou quatre appareils peu à même de lutter contre les B-26 attribués aux rebelles par la CIA. Des avions qui décollent de pistes spécialement aménagées au Honduras et au Nicaragua. Ça veut dire que les putschistes ont l'avantage du ciel? Oui. Et les premiers bombardements, même s'ils ne sont guère meurtriers, vont provoquer une véritable panique dans la population. Surtout lorsque la capitale, Guatemala City, va être frappée. Enfin, n'allons pas trop vite. Oui. Et au sol, comment ça se passe? Très lentement. Castillo Armas a franchi la frontière, je vous l'ai dit, mais une vaguerre plus loin, il attend. Il attend quoi? Que la CIA fasse le travail pour lui. Non, mais c'est une plaisanterie. Absolument pas. Castillo Armas n'a pas vraiment envie de faire la guerre. Et ça tombe bien, de l'autre côté non plus. Mais le travail de la CIA dans cette histoire... Il est essentiellement psychologique. Encore de la désinformation. Oui, et là encore, l'ambassade américaine joue un rôle important en persuadant les officiers guatémaltèques que le gouvernement Arbenz va armer la population et les syndicats. Une horreur pour ces militaires qui entendent garder le privilège d'être armés. En conséquence, les officiers refusent de marcher sur les rebelles. Ouais, vous voulez dire qu'ils sont prêts à pactiser avec eux? Naturellement. Ouais. Le deuxième objectif, c'est le président Arbenz lui-même. Il faut tout faire pour qu'il croie que la situation est désespérée. Alors qu'en réalité, elle n'est pas encore. Bien sûr que non. Il aurait suffi de quelques dizaines d'hommes résolus pour balayer ces putschistes d'opérettes. Ah, vous l'avez compris, la subversion semée par les Américains se trouve au sein même des autorités civiles et militaires. Et puis enfin, il y a l'aviation. Oui, l'aviation rebelle. Oui. Elle seule peut contribuer à accroître la panique. Or, quelques appareils ont connu des déboires. Il faut les remplacer au plus vite. Mais à Washington, Ike Eisenhower doit donner le feu vert. Pourquoi? Parce que ces avions vont être soustraits des réserves de l'armée de l'air américaine. Puis maquillés comme d'habitude? Eisenhower, devant l'insistance des deux frères Dulles, n'hésite guère. Officiellement, le Nicaragua achète en toute urgence des avions aux États-Unis. En réalité, c'est la CIA qui paye. Ces appareils vont aussitôt bombarder le Guatemala, et cette fois-ci, ils provoquent de nombreuses victimes. Ouais. Nouveau vent de panique? Oui, à tel point que le chef des forces armées du Guatemala se précipite à l'ambassade américaine. Et pourquoi? Parce qu'il se doute bien que seuls les États-Unis ont pu armer ainsi les rebelles. Ouais, j'entends bien, mais que veut-il? Une intervention des Américains en faveur d'un cessez-le-feu. Et comment répond l'ambassadeur? Chasser d'abord les communistes. Bon, moi c'est clair. Oui, et le chef de l'armée se range aussitôt du côté de la rébellion. Le président Arbenz n'a plus qu'une solution: se démettre et fuir le pays. Ce qu'il fait avant même la fin du mois de juin. La CIA a gagné. L'opération Success, de ce point de vue, mérite parfaitement son nom de code. Et Castillo Armas a donc pris le pouvoir. Après quelques transactions avec les autres opposants, il a en effet accédé à la présidence. Il s'est empressé d'accéder à toutes les demandes de la Frontera. Oui, j'imagine d'abord l'abrogation de la réforme agraire. Bien entendu. Et l'un des premiers actes de la junte a été de retirer le droit de vote aux illettrés, c'est-à-dire à 70% de la population. C'est-à-dire les Indiens. Les Indiens, oui. La CIA avait gagné, c'est vrai. En apparence, au moins. Car le Guatemala va connaître désormais plusieurs décennies de guerre civile. Et là encore, la centrale américaine va être en première ligne. Et elle porte une lourde responsabilité dans les exactions et les massacres qui vont s'en suivre. Mais nous en parlerons peut-être un jour prochain. En 1965, deux journalistes américains, David Wise et Thomas Ross, publient chez Fayard un livre sur le gouvernement secret des USA, c'est-à-dire, selon eux, la CIA. Voici ce qu'ils écrivent à propos des conséquences du putsch de 1954 au Guatemala. Avec une grande célérité, le nouveau régime institua une sorte de comité de salut public contre le communisme et il lui accorda des pouvoirs policiers exceptionnels. Le gouvernement retira 400 000 hectares aux paysans, restitua à la United Fruit les terres qu'Arbenz avait réquisitionnées et abrogea les amendements qui avaient octroyé des garanties aux travailleurs et aux syndicats. Moins d'une semaine après l'élection de Castillo Armas à la tête de la junte, le nouveau gouvernement annonça qu'il avait arrêté 4000 personnes soupçonnées d'activités communistes. Les personnes portées sur la liste du comité pouvaient être arbitrairement appréhendées et détenues pendant 6 mois. Il leur était interdit de posséder un récepteur radio et d'occuper un emploi public. En moins de 4 mois, Le nouveau gouvernement avait dénombré 72 000 communistes ou sympathisants. Un membre du comité avoua qu'il lui en fallait 200 000. À samedi prochain, pour un nouveau rendez-vous avec X, et je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.franceinter.com. Vous y trouverez aussi la liste des livres dont nous avons parlé.